Mais la veille du mariage de sa fille, combiné par le baron pour coïncider avec le jour où Madame Marneffe prenait possession de son appartement rue Vanneau, Hector fit cesser l'étonnement de sa femme par cette communication ministérielle. « Adeline, voici notre fille mariée. Ainsi, toutes nos angoisses à ce sujet sont terminées. Le moment est venu pour nous de nous retirer du monde. Car maintenant, à peine resterai-je 3 années en place. J'achèverai le temps voulu pour prendre ma retraite. Pourquoi continuerions-nous des dépenses désormais inutiles ? Notre appartement nous coûte 6 000 francs de loyer. Nous avons 4 domestiques. Nous mangeons 30 000 francs par an. Si tu veux que je remplisse mes engagements, car j'ai délégué mes appointements pour 3 années, en échange des sommes nécessaires à l'établissement d'Hortense et à l'échéance de ton oncle. Ah, tu as bien fait, mon ami, dit-elle en interrompant son mari et lui baisant les mains. Cet aveu mettait fin aux craintes d'Adeline. J'ai quelques petits sacrifices à te demander, reprit-il en dégageant ses mains et déposant un baiser au front de sa femme. On m'a trouvé, rue Plumet, au premier étage, un fort bel appartement, digne, orné de magnifiques boiseries, qui ne coûte que 1 500 francs, où tu n'auras besoin que d'une femme de chambre pour toi, et où je me contenterai, moi, d'un petit domestique. Oui, mon ami,